Oh, quel dommage que tes messages ne me soulagent pas davantage. Wow. On s'est fait eu par l'antenne. On parlait. Et Florentine, vous êtes bien évidemment sur Radio Libertaire dans l'émission Bulle de Rêve. C'était Mathieu Bogarts qu'on écoutait. Et on était déjà sur le carrefour de l'animation. Et on voyait que. Les programmes. Il y avait on regardait le programme des magiciens où il y avait une jolie. Plein d'images de plein de films. Dont. Celui de Indians, mais il faut pas que je le dise. voilà, puis plein d'autres super jolis. Voilà, donc le programme, vous pouvez retrouver tout sur les magiciens sur www, bien sûr. C'est pas grave, Florentine. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. i-magicien avec un s.net. Sinon, vous tapez i-magicien et vous tombez sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez magicien et vous tombez sur le site des magiciens où vous pouvez regarder notamment l'animation chaînée de l'année dernière. Ce qui est bien aussi, c'est que certaines conférences maintenant ont été enregistrées, donc vous pouvez aussi avoir certaines conférences. Ça, c'est bien que les festivals, et on va en parler avec Sylvie, c'est bien que les festivals commencent à mettre en ligne, parce que tout le monde, même si on peut y aller, tout le monde ne peut pas malheureusement se déplacer, c'est compliqué. Florentine va nous faire l'agenda tout à l'heure, pour savoir à quel point c'est compliqué. Donc, c'est vraiment bien qu'on puisse mettre en ligne des choses. L'idée, Marianne, un dernier mot, tu voulais dire donc que voilà, qu'il fallait venir. Il faut venir. Et c'est très chaleureux, sympathique et très convivial. Donc voilà, et donc la soirée de clôture est bien parce qu'il y a donc un jury très important. Il y avait cette année Éric Le Dune notamment. J'ai oublié le nom du deuxième réalisateur belge. C'était Benoît Fermont. Benoît Fermont. Donc vous avez deux univers complètement différents, donc c'est intéressant qu'on concoctait. Alors il y avait d'autres personnes qu'on concoctait en fait à l'intérieur de ces 5 heures. 1h15, un best-of qu'on verra lors de la soirée de clôture où dès qu'un film est un peu difficile, les étudiants sifflent et dès qu'un film est rigolo, les étudiants apprécient. Et il y aura des carambars. Et voilà, et en plus, il y a des carambars, ce qui fait que. Et des colliers de couleur fluo pour faire des guirlandes lumineuses. Ils font des guirlandes et c'est très joli. Donc, les magiciens, on va maintenant passer au carrefour de l'animation. Le carrefour de l'animation, c'est une très, très, très grosse manifestation aussi, qui permet, ça c'est très intéressant, qui permet au nombre de plus en plus important de jeunes qui veulent se lancer dans le cinéma d'animation, d'avoir pendant quelques jours, alors on va voir là maintenant c'est plus que quelques jours, mais avant d'avoir pendant un week-end et de voir, c'est passionnant d'avoir ce qu'on... Et Sylvie, tu vas nous en parler, mais d'abord, ce qu'on appelle les instantanés, où chaque école montre un peu ce qu'ils font, une sélection de ce qu'ils font. Ce qui fait qu'un étudiant qui se dit « Tiens, l'anime, ça m'intéresse. Est-ce que je vais au Gobelin, à l'ENSAD, et je ne sais pas ce qu'ils font exactement, ça m'intéresse », il vient au Carrefour. Et bing. Wow, j'ai l'impression d'être... Parfait. J'ai fait un vrai lancement de vrai journaliste de radio typique. Oui, évidemment, je l'ai gâché en disant ça, mais j'étais content de moi, il fallait que je vous le dise. Donc, Sylvie. C'est ça. Non, juste rappeler quand même que ce n'est surtout pas un festival, dans le sens, il y a des prix, lauréats, etc. C'est un festival dans le sens où c'est festif, mais c'est tout. Hein. Oui. C'est important de le rappeler à chaque fois. Il n'y a pas de palmarès à la fin. C'est pas du tout notre rôle. Il y aura une très belle soirée de clôture, on en reparlera, mais... Ce n'est pas une soirée palmarès. Voilà, il y a une belle soirée d'ouverture, il y a un joli lendemain, puis un surlendemain, puis voilà, une très belle soirée de clôture. Mais on n'est pas dans En gros, il y a un événement tous les soirs. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc juste pour revenir sur le fait qu'on se déploie en fait cette année sur 5 jours, hein, parce qu'on a un petit peu, même plus que revu le projet, hein, parce que c'était initialement... tous les ans, au mois de mars, etc. Et puis, c'est vrai qu'on s'est rendu compte l'année dernière, en revenant dans nos murs, en fait, on a fait une édition en mars, qu'il y avait de plus en plus de portes ouvertes des écoles. Et de ce fait, les responsables ne pouvaient pas être présents, etc. Ce qui est quand même un problème, parce qu'il y a quand même cette rencontre importante le samedi après-midi entre les écoles et le public, parce qu'il y a de plus en plus de gens, et notamment de parents qui viennent avec leurs lycéens pour rencontrer l'école de leur choix, etc. Donc ça, c'était important qu'il y ait un responsable de formation qui soit là. Et puis aussi, parce qu'on revient à une ancienne formule, qui sont que les instantanés dont tu parlais tout à l'heure, qui sont en fait des programmes, des panoramas de films de fin d'études. Donc il y en a 6 cette année. et dans chaque instantané, il y a deux, voire trois écoles. Ils sont précédés en fait d'une courte présentation d'un responsable de formation ou du directeur de l'école en fonction de la personne qui... Ça, c'est vraiment bien. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, c'était intéressant. Vous faisiez un peu plus festival, justement, en mélangeant un petit peu les programmes. À un moment donné, les instantanés, vous mélangez un petit peu les écoles. Oui, on l'a fait deux années de suite. Et qui faisait un petit peu plus, justement... Ouais, moi, j'aime bien ce côté. On mélange et on voit un petit peu la diversité des films, des formations et des écoles. Voilà. Donc, on est revenu à cette formule qui sont effectivement trois écoles avec leurs films, oui, c'est ça, etc. Voilà. Plus c'est bien. Carré, on va dire. Voilà. C'est aussi ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il ne s'appelle pas Carrefour pour rien. Bah, c'est-à-dire qu'il est fait dans le sens où on peut moduler pas mal de choses, en enlever, en rajouter. Voilà. Mais plus en rajouter qu'en enlever d'ailleurs. Enfin, on va voir le programme. Voilà, on connaît le Carrefour, donc c'est vrai qu'on va vraiment rentrer dans le vif. T'es déjà venu pour nous en parler, c'était juste pour dire décembre et pourquoi il y avait cette idée de revenir sur une case, enfin de venir sur une case plus tôt dans l'année, de manière à ce que vraiment tout le monde puisse venir regarder et dire il y a une grande partie des écoles qui sont représentées, je veux dire c'est assez impressionnant. Oui, tout à fait, il y a 18 établissements, enfin il y en a 19 en fait, mais comme on considère que Supinfocom c'est une seule, donc on dit 18, mais normalement il y en a 19, il y en a 18, comprenant évidemment les écoles de jeux vidéo qui participent aussi. Alors cette année, 2005. Petite chose en plus, c'est comme, on en a déjà parlé ici, et juste une petite parenthèse, venez tous au Carrefour de l'animation, parce qu'il y a eu un gros événement qui a cartonné, qui est Yann Schwankmeyer au Forum, qui a fait salle pleine. C'était impressionnant, même pour les courts-métrages. Il faut que vous veniez de nouveau au Carrefour de l'anime, continuez comme ça, parce que si on veut que l'anime continue à bien cartonner au Forum, on sait bien que on en a déjà parlé ici, que ça se raréfie un petit peu, qu'il y a des rencontres qui se sont malheureusement arrêtées, etc. Donc si on veut, et le Forum est l'une des institutions, si ce n'est l'institution, c'est pas parce que Sylvie est là, mais vous, enfin, si vous... Vers Florentine, pour une fois que ce n'est pas moi qui le dis. Le Forum dans l'agenda. Donc si on veut continuer avec l'animation, il faut vraiment que les salles soient remplies. Donc allez-y. Et cette année, il y a une grande possibilité en plus de remplir les salles avec plein d'avant-premières. Voilà, plein d'avant-premières. Et puis aussi des programmes de courts-métrages. Mais déjà, Les longs-métrages, donc il y a trois avant-premières, pardon. Donc la première qui est le mercredi 8 à 15h. Qui est une séance qui rentre aussi dans le cadre de nos après-midi enfants que l'on fait chaque mercredi, chaque samedi, donc avec le très très beau film de Gilles Porte. Oui, c'est un coup de cœur, ça. Ah ouais, vraiment. Et c'est pas parce qu'il s'appelle Gilles Porte. Oui, c'est Porte. Vrai. C'est vraiment un coup de cœur. C'est un film que j'ai vu il y a une dizaine de jours. Très émouvant, très touchant, très extrêmement bien réalisé. Les enfants de tout. Voilà, c'est 33 pays. En fait, il a voyagé autour de 33 pays. Et ce sont des portraits d'enfants qui se dessine, et en fait, sur une immense vitre de verre, et on voit chaque dessin d'enfant est à ce coup, hop, animé. Donc il y a une animation qui se... Voilà. Et on passe comme ça d'un voilà, je vais très vite, je caricature un petit peu, mais c'est en gros ça. Et on passe avec cette animation du dessin d'enfant, hop, dans un autre pays, dans un autre univers, donc vers un autre portrait d'enfant. Et c'est extrêmement bien, quoi. C'est vraiment... c'est un gros coup de cœur. Si donc, le film sort en janvier Il sort en février. En janvier 2011, tout à fait. Donc, c'est Dessine-toi à 15h. Et puis, je ne vais pas parler de table ronde, etc., mais pour la première fois, quand même, ça, il faut le dire, parce que c'est aussi une première fois au Forum des images, on va projeter du cinéma en relief, de l'animation. On va revenir, si ça ne dérange pas, on va revenir sur les conférences. Comme tu veux. On va faire des espèces de strates. D'accord. C'est un long métrage d'abord, et parce que j'aimerais qu'on parle des conférences après. Donc, je sais que ça ne sera pas par journée, mais ce n'est pas grave. Après, on va redire de toute façon. Donc sur les avant-premières et les longs métrages. Parce qu'il y a une grosse avant-première sur un film qui est. Qui a été acheté donc par Réseau Film, ça je ne savais pas, mais on ne sait pas trop s'il sortira à un moment donné. Donc là, c'est vraiment une grosse... Il y a une sortie, mais qui est lointaine, qui est en 2011. Donc d'un film qui s'appelle... Il n'y a pas de date de fixée, mais ça s'est déjà vu très souvent pour des avant-premières. où la date va se fixer. Voilà. Donc c'est un film d'animation en fait qu'a découvert Frédéric au Festival de Toronto. Frédéric Lavigne pour ceux qui. Frédéric Lavigne, donc qui est mon directeur voilà, que j'aime beaucoup. Bonjour Frédéric, il nous écoute. Au passage. Voilà, donc c'est là aussi c'est aussi un coup de cœur. Et réalisé par il y a trois personnes et dont Fernando voilà. Trueba qui est avant tout qui est avant tout qui au départ un réalisateur de prise de vue réelle notamment fait Fraises et chocolat, si je dis pas de bêtises, et pas mal de films super intéressants. Voilà, sur donc, une bande son absolument incroyable. Oui. Tous les grands de la musique. Mélange de jazz latino. Didier Gillespie, enfin, je crois qu'il y a Monk dedans. Enfin, ah oui, non, c'est incroyable. C'est incroyable. Et comme on est, le Carrefour Animation continue avec cette thématique hein, qu'on a initiée l'année dernière sur la musique et la création sonore dans les images animées, ça nous paraissait aussi important. D'ouvrir avec ce film-là. Le suspense dure toujours, on n'a pas le titre du film. Ah oui, alors le film s'appelle Chico et Rita. Voilà, parce que Florentine, en fait, est mon. On parle maintenant par langage des mains. Elle me fait des grands mots et Marianne a mieux compris que moi à ce moment-là ce qu'elle voulait me dire. Donc Chico et Rita. Chico et Rita, voilà, le mercredi 8, donc c'est la soirée d'ouverture. Donc ça, c'est vraiment à voir. C'est sur invitation ou. Ça sera sur invitation. Il y a aussi une partie qui sera ouverte au public. Au public quand même, on peut. D'accord. Donc précipitez-vous sur ce beau film. Ensuite, on a. Pour aller un peu plus vite, le 10 décembre, à 19h30, Une vie de chat. À 19h30, l'avant-première d'Une vie de chat en présence d'Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli, les deux réalisateurs. Une séance qui sera suivie, comme on aime bien le faire au forum, d'un making-of, secret de fabrication du film. Ça sera aussi un très beau moment de rencontre. Et ensuite, on passe au niveau des longs-métrages au samedi, avec malheureusement ce qui reste un inédit en salle. Donc précipitez-vous encore pour aller le voir. Peut-être que ça va pour aller le voir, très beau My Dog Tulip. Hein, c'est vrai que c'est un film vraiment... il est incroyable, ce film. Il est étonnant, c'est un pur moment de tendresse. Et il vient de sortir aux États-Unis, marche bien dans une seule salle. Il est sorti début de septembre, mais franchement, le producteur avec lequel on a travaillé sur cette avant-première, parce que la seule copie qui est actuellement à Roissy, je vous le dis, est bloquée en douane française, donc on croise les doigts. Bravo. Non, enfin bon, voilà, ces petites formalités, mais ça, c'est aussi les secrets de fabrication d'un projet. Il faut que les douanes soient. Donc c'est la seule copie qui est sous-titrée en fait en français, qui était aux États-Unis, qu'on a fait, venir. Donc quatre beaux longs métrages. Excuse-moi, je te fais aller un petit peu plus vite. Je suis désolé Sylvie, mais quatre longs métrages. Il en manque un. Super intéressant. On va parler de la soirée de clôture après, à la fin. Ah oui, mais c'est aussi un long métrage. C'est vrai. mais je parlais là des avant-premières et programmes inédits. Voilà. On a des conférences. Oui. Pardon, les conférences. Donc, des tables rondes. Voilà. La première, c'est Relief, Formation et Perspective. Mm-hmm. Donc, ça, c'est intéressant. Pas mal de gens. L'idée, c'est plutôt d'être dressé sur l'aspect toujours formation, cinéma d'animation. Et là, pour la première fois, donc, on va pouvoir accueillir donc, les premiers films en fait, qui ont été réalisés dans le cadre d'études. Génial. Donc, en relief, avec les lunettes et tout. Qui est une des grandes questions aux magiciens, d'ailleurs, toujours. Ce terme de 3D est un peu... on en parlait justement hier au forum, mais c'est vrai que pour nous, en tout cas, diffuseurs, ce terme de 3D est hyper confusant, quoi. Ah bah, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mmh. Parce qu'on dit projeté en 3D. Oui, alors l'animation est en 3D. Mais hier, on m'a posé la question trois fois au forum. Ma directrice me dit, attendez, alors, c'est quoi ce film, il est en 3D? Alors, purement français, ça s'appelle pas la 3D aux États-Unis. Voilà, donc on dit, au forum, projeté en 3D relief. Parce que sinon, les gens ne comprennent pas, quoi. Et les films sont faits en 3D. Non, je pense que quand on était dans les CGI, c'est justement... Oui, mais c'est très américain. La synthèse, voilà. Et quand ils disent 3D, c'est le relief. C'est le relief, et nous, tout à fait. Le cinéma en 3D, par exemple, le cinéma d'animation en 3D, c'est ça. Non, complètement. Pour nous, en tout cas, c'est un peu... Il y a un problème. Voilà. Donc, quatre films de fin d'études, deux films de Supinfocom Arles et deux films de anciennement, ce qui était A2I, l'atelier image de synthèse, donc créé par Pierre Hénon de l'ENSAD. Et puis des 7 tonnes 3 de cubes, des courts-métrages. Ah bon ? Ouais. Je savais pas. Le 7 tonnes 2 était pas en relief, mais le 7 tonnes 3 était. D'accord, 7 tonnes 3, je connais pas. Alors, je confonds alors 7 tonnes 2 et 7 tonnes 3. Il faut dire qualité, c'est du nom. Et puis la série de très sympa de Rémi Chapoteau, là, le Kailou. Chez Cube. Et donc, Ok, et ensuite, le jeudi 9, vous avez votre Battle Royale à vous. C'est-à-dire, c'est là où il va y avoir du sang. Yes! dans l'animation peut avoir du sens. C'est la table ronde film d'étudiants et droits d'auteur, l'entre-deux droits. Ah donc, oui, alors là, là ça va être... nous sommes lieu d'accueil. Je m'en sors bien sur ce coup-là. S'en sortir. Ah oui, toujours. Donc, Olivier Catrin dans le rôle de César. Qui va faire qui va demander aux gladiateurs de s'entretuer, et Christian Arnaud de Lemka, Anthony Del Nom de Dieu, rien que son nom, Anthony Bravo, juriste de la SACD, qui là, lui, va être, à mon avis, percé de flèches un petit peu partout, ou alors peut-être comme son fils crucifié à un moment donné, Pablo Pico, compositeur, Emmanuel de Rangervé, délégué général de la SNAC, c'est quoi la SNAC ? Écoute, je crois que c'est syndicat national des voilà. Ouf, alors lui, ça va être grandiose. Et donc ça, on l'a déjà dit. Annabelle Sebag, vous avez eu du premium film. Ouh là là. Et Laure Vignaloux de l'ENSAD. Non, qui ne vient plus. Qui vient plus parce qu'elle s'est dit, elle préfère rester vivante encore un petit peu. Elle a raison. Je sais plus si c'est table ronde ci ou une autre. Enfin, il y a un petit remplacement de dernière minute, mais voilà. D'accord. C'est pas grave. En fait, c'est une première table ronde sur le son qui va en fait finir. Non, alors attendez, je vais juste repréciser les choses. C'est que quand même, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a. On a plusieurs partenariats sur ce Carrefour. Oui, d'abord, qu'on se situe, et c'est très bien, on est très contents, juste après Les Magiciens, dont vient de parler Marianne. Oui, on n'a pas dit avant. Et juste avant le Festival national du film d'animation, oui, qui était jusqu'alors à Hoche, et qui sera à Bru, dont on a reçu, et la métropole de Rennes. Voilà. Donc le Carrefour est du 8 au 12 décembre, donc on est vraiment entre deux événements majeurs pour le cinéma d'animation. Et donc on a des partenariats avec l'un et avec l'autre, et avec le Festival de Bru. On a ce partenariat qui est, en plus il se trouve que Frédéric Lavigne était membre de du comité de sélection de courts-métrages. Ouais, donc il a... On s'en gagne, hein, l'animation, je vous l'ai souvent dit. on a proposé à FK de faire notre propre programme de courts-métrages, donc c'est vraiment une sélection forum des images. C'est des coups de cœur en fait, qui sont des films qui sont soit sélectionnés, soit pas sélectionnés en festival, c'était pas ce qui nous intéressait, mais qui rentrent en tout cas dans trois thématiques. Une qui est après l'école, on projettera entre parenthèses le film de Florentine, hein, qui sera lequel rediffusé. Ah bon, un film, voilà. Une deuxième thématique, effectivement, musique et son, donc un programme de court-métrage avec la thématique musique et son. Et puis une troisième qui est la thématique voyage, dans laquelle on rediffusera le film qu'on aime beaucoup, qui est Madagascar, de Bastien Dubois. Voilà, et puis voilà. Donc ça, c'est un partenariat avec l'AFCA, mais c'est une sélection forum, un coup de cœur forum des images. Juste au passage quand même, parce que depuis tant qu'on en parle, on va dire maintenant, parce que je ne sais pas s'il y avait dans l'agenda, juste Roux, dont on a parlé, R.U. de Florentine Grelier, dont on vous parle à longueur de temps dans cette émission, est en ligne. Tu en parles trop. Donc maintenant, ça y est, vous pouvez le voir. Et après, c'est fini, on n'en parle plus. Venez le voir quand même sur grand écran. On arrête. Mais oui, mais si vous n'êtes pas à Paris, forcément. Enfin, voilà. Florent, voilà. Il est quand même. Mais c'est évident qu'il vaut mieux le voir sur grand écran si vous pouvez. Ouais. Voilà, la peinture est beaucoup plus belle. Et voilà, j'arrête. Et donc, pour continuer sur cette collaboration qu'on a avec l'AFCAP dans le cadre du festival, il y a effectivement il y a deux choses. Il y a cette table ronde que l'on accueille, donc c'est à l'initiative de l'AFCAP. Et c'est très bien, donc qui est une table ronde sur les droits d'auteur, mais d'une manière générale. C'est-à-dire donc voilà, ça concernera à la fois le réalisateur, mais aussi le compositeur. Mmh. Ce qui ne sera pas la même, et là je fais je vais tout de suite au dimanche. Tu vas à Battle Royale 12, 2. D'accord. Qui est là cette donc, fois-ci, Battle ma Royale table 2, ronde donc, à moi. Musique et cinéma, où là ça voilà. va être la deuxième fois où Marie-Anne commence déjà à grincer des dents. Ou en fait, non, pas du tout, il n'y a pas de quoi grincer les dents. C'est une rencontre sympathique entre d'un côté des responsables. De formation, d'école, et de l'autre des compositeurs de musique, pour voir un petit peu comment tout ça s'est... Sans vouloir, Sylvie, c'est normal, toi t'es la responsable et je comprends oui, très moi, bien. Moi de mon côté, je peux dire officiellement que si ça se passe, si la table ronde est honnête et si elle se passe comme elle se passe dans les coulisses, elle n'a aucune raison d'être... Elle va être sympathique parce que c'est des êtres humains et c'est des gens. Mais ce qui se passe au forum, j'espère, en général, est sympathique. Oui, mais j'espère qu'elle sera ouverte à vraiment discussion. Et donc, normalement, on devrait avoir des gens. Quand je vois des gens comme Mathieu Alvado, qui est un compositeur, Mathieu est bienvenu ici, qui est déjà venu ici d'ailleurs, non ? Je ne sais plus si Mathieu est venu ici, qui râle beaucoup par rapport à ce genre de choses. Laurent Juillet, ça va être intéressant de les voir discuter justement avec Christian Arnaud de l'EMCA, Marianne Fontenay de Supinfocom. Il y a Émeric Snarbonne d'Emile Cole. Oui. Tiens, je pourrais demander à tous ces gens-là. En fait, ce sont des responsables d'école qui étaient là l'année dernière au Carrefour quand ils ont initié cette charte pédagogique. Donc, ben moi, je souhaitais qu'on continue ce travail qui avait été élaboré au Forum, voir un petit peu comment la musique s'intègre dans le film de fin d'études. Etc. Mais tout ça pour dire, on ne va pas rentrer dans le détail de ce qui va se passer dans trois semaines. Ce qui est intéressant de... Ça y est, je ne sais plus ce que je voulais dire. Tu m'as coupé la parole. La première table ronde est sur les droits de l'homme. Voilà, mais en général, tous les cas, voilà. Quoi qu'il en soit, et ça c'est très important de le dire, c'est que cette table ronde du dimanche ne portera que sur la musique et le cinéma d'animation. Voilà, mais la musique. Alors que celle du jeudi... englobe les droits d'auteur d'une manière générale. Voilà. Ça, je l'ai redit à Cécile Nosser de l'AFCA. Et ça tombe très bien que Christian Arnaud de l'EMCA soit à cette table ronde du jeudi, parce que justement, il pourra peut-être reparler des choses le dimanche. Mais en aucun cas... Alors évidemment que la musique sera... évidemment, oui, tant mieux d'ailleurs. Pablo Picot, voilà, mais j'en ai déjà parlé avec... on s'en est parlé entre intervenants, etc., etc. Il n'est évidemment pas question qu'elle tourne autour que des droits musicaux. Enfin, ça serait presque un non-sens. Quoi. Vous toucherez sûrement la distribution. Nous, aussi, oui, voilà, ils toucheront la distribution puisqu'ils ont invité Premium Film. Donc ça, c'est... Comment ça se passe. Voilà, tout à fait. Donc c'est un peu la chaîne. Voilà. Donc, les tables rondes. Après, il y a... Bah, je ne sais pas, tu veux que je continue. Vas-y, je te laisse. Allez, vas-y. Roulis pendant 5 minutes. Et bien sûr, parce que je reviens un petit peu en arrière, on avait initié pendant 3 années de suite ce qu'on appelait un regard croisé avec un pays invité. Donc on a eu le Japon, l'Angleterre, la Belgique, et, sauf l'année dernière. Et donc on s'est dit qu'il fallait revenir comme ça, un échange avec un pays, que ça crée vraiment une dynamique, je trouve... tant du côté école que du côté professionnel. Donc là, cette année, c'est un regard croisé avec les États-Unis. Donc, à faire la plus on n'a pas de, malheureusement pas de, c'est pas faute d'avoir essayé, mais c'est extrêmement compliqué. Donc on n'a pas de professionnel comme on le faisait jusqu'à présent, c'est-à-dire un professionnel d'un studio d'animation, il n'y aura personne de ce côté-là. Mais en revanche, on aura une pointure de l'école Calars, qui est Léo Baïka, qui est l'assistant du doyen. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est quand même... très très important et qui viendra donc avec une ancienne de ses étudiantes. Donc c'est pas annoncé là parce que c'est quelque chose de dernière minute, donc c'est une bonne nouvelle, quelqu'un qui s'appelle Miwa Mitrayek, qui est une ancienne étudiante de l'école Calars, qui était à la fois dans le département expérimental, puisqu'ils ont un département assez important pour le cinéma expérimental, et à la fois dans le cinéma d'animation. Donc elle viendra avec Léo le samedi après-midi, après la projection de films de fin d'études, nous faire une performance en live. Un truc absolument incroyable. Elle arrive la veille, elle repart le lendemain avec sa valise, en fait, tout son nécessaire. Et juste la CalArts, voilà. Peut-être dire les noms des quelques noms qui sont passés à la CalArts aussi. Oh, bah, c'est pas à moi que tu me demandais ça. De gens... non, mais moi, c'est... savoir, ça. Non, mais c'est juste pour que les gens se rendent compte, en effet, de la CalArts. C'est-à-dire que Henry Selick, Lasseter, Brad Bird. Voilà, Brad Bird, en fait. Une grande partie des gens. Les grands noms de et ce qui est passionnant, par rapport à... Parce qu'il va y avoir donc un débat à un moment donné, ce qui va être entre des écoles françaises et la CalArts, et ce qui va être vraiment passionnant dans cette... Justement, dans cette rencontre-là, c'est de voir comment une école comme à la CalArts, qui donne beaucoup, beaucoup de place à l'expérimentation, d'ailleurs, on voit peu de films de la CalArts dans les festivals comme Annecy ou quoi, parce que l'idée n'est pas forcément de finir son film, mais comment finalement ces gens-là finissent par sûrement réaliser les plus gros films d'après des studios. Temps, et donc, c'est passionnant de voir que, justement, là où souvent, nous, on est dans le côté, et moi, en tant que prof, je me base souvent par rapport à ça dans les écoles où je travaille, où on est sur, il faut leur donner les outils pour absolument réussir à travailler après, c'est leur donner aussi l'inventivité et la créativité qui leur permet, non pas uniquement de travailler, mais d'être très haut au niveau de la chaîne, on va dire, de fabrication. Et là, on a quand même, je veux dire, les noms, voilà, c'est Pete Docter aussi, donc, a réalisé, hein, Monstre et Compagnie, je crois que c'est l'un des deux. En tout cas, c'est l'un des réalisateurs de Pixar, et donc les réalisateurs de Pixar sont passés par là-bas. Tout le monde, et enfin, vraiment de grands noms sont passés par là-bas. Donc, c'est une école qui est absolument passionnante et qui est en lien avec aussi les Gobelins en France. Et donc ils ont pas mal d'échanges avec Gobelins. Ils ont un échange aussi avec l'ENSAD. Et ils souhaitent justement, Léo est très content de rencontrer ces écoles, parce qu'ils souhaitent justement continuer à avoir d'autres collaborations. Il me parlait notamment de Poitiers, là, quand on l'a rencontré au mois de juillet à Gobelins. Et c'est pour ça qu'on a proposé aussi à Claire Fouquet de se joindre à la table ronde, parce que c'était... Voilà. Et puis, il y aura des anciens étudiants de Gobelins. Donc, il y aura notamment Louis Clichy, hein, que souhaitais inviter depuis, depuis fort longtemps. Donc là, je trouve que l'occasion s'y prête très bien. Donc il y a aussi lui longtemps travaillé chez... Enfin, pas mal de temps travaillé chez Pixar. Voilà, donc il pourra aussi nous parler de cette expérience. Parce que c'est un regard croisé franco-américain. Donc ça mélange à la fois les expériences professionnelles, mais aussi voir comment ces écoles peuvent se... peuvent collaborer entre elles, en fait. Ça, c'est important. Et puis, le cas aussi d'Hugo Bienvenu. Voilà. Qui est de... Voilà, donc il y a pas mal d'exemples qui pourront être On finira juste deux minutes avec le... De trois minutes, bah, comme vous le savez souvent, hein, bulle de rêve, hein, il y avait encore de quoi passer de la musique, mais tant pis, on a plein d'invités. Il y a quand même juste juste pour dire qu'on va rester un peu plus longtemps sur le forum et sur le carrefour, on parlera comme ça un peu avec Louise, notamment de la séance making of, et puis tant pis, on mettra la musique à la fin. J'avais prévu une musique pour Sylvie, un peu blues pour qu'elle danse, parce qu'elle danse très bien, elle danse beaucoup, donc voilà, mais tant pis, elle dansera à la fin sur le générique de fin. Donc, mais là, j'ai un micro, je vais chanter. Voilà, bah, profites-en justement. Alors vas-y, on t'écoute sur le carrefour toujours. Donc non, il y a un projet quand même qui nous tient beaucoup à cœur, qu'on a initié l'année dernière, qui s'appelle Ciné-son, l'image et le son, hein, tout ça pour continuer dans la thématique musicale. Donc c'est un projet qu'on a initié avec Christophe Héral, qui est compositeur de musique et de son pour le cinéma d'animation, aussi pour le jeu vidéo, mais là pour ce qui nous concerne, on parle de cinéma d'animation. Donc en fait, il avait réalisé une bande sonore d'environ, enfin pas tout à fait une minute, qu'on a proposé à certaines écoles participantes au Carrefour. Et ça a donné lieu, donc cette année, puisqu'on l'a présenté cette année à Annecy, à 17 petits films d'une minute. Super, super chouette, 17 petits films d'une minute d'animation. Voilà, donc c'est un projet qu'on aime beaucoup. Et du coup, on va, à l'occasion de la table ronde musique et cinéma... Excuse-moi, mais ceux qui veulent le voir, il est sur le DVD de repérage... Ouais, mais comme repérage n'existe plus. Oui, mais on peut essayer de récupérer sur chez les films. Voilà, en tout cas, nous on le rediffusera. D'accord. Le 12. Les 17 minutes seront diffusées le 12, ce qui nous permettra de lancer le Ciné-son 2. Donc là, Christophe Héral travaille sur une nouvelle création sonore qui présentera donc le dimanche 12. Voilà, et on espère avoir encore plus d'étudiants qui s'emparent de cette musique pour en faire des belles images. Voilà. Quoi d'autre? Il y a le jour Il y a plein de choses. C'est vrai que c'est... Programme spécial collège-lycée, toujours présenté par Olivier Catrin. Alors oui, on a une journée... Star. Non, mais c'est une journée importante parce que c'est la journée des métiers du cinéma d'animation et du jeu vidéo qu'on a initié depuis 3 ans maintenant, qui est une journée réservée aux scolaires, en tout cas de... Voilà, une première partie de journée réservée aux scolaires jusqu'à 16h30. Et en fait, l'idée, c'est moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de proposer aux étudiants qu'ils soient en situation de conférencier. Ça change un peu. Et je trouvais qu'ils étaient quand même les mieux placés pour parler un petit peu de pourquoi ils ont choisi cette voie, cette formation, et parler un petit peu de leur avenir, ce qu'ils ont choisi de faire comme métier. Donc, le matin, c'est les métiers du cinéma d'animation. Et l'après-midi, sera question des métiers du jeu vidéo, avec des anciens étudiants de l'Engmin, cette fois-ci. Voilà. Et il y a une séance qui est super intéressante, qui s'appelle donc la séance Making of, qui est le samedi, ouais. Où en fait certaines Making of de films de fin d'études, voilà, à 15h le samedi, où Gobelin, Lisa et les deux DMA de Marseille, celui de Marseille et celui de Roubaix, ouais, viendront en fait, ont 40 minutes, 50 minutes chacun, 40 minutes chacun, c'est ça? Alors ça, c'est un espace qu'on a mis en place l'année dernière. C'est vraiment un espace, là aussi on insiste beaucoup là-dessus, qui est un espace pour les étudiants, en tout cas les anciens étudiants, qui ont réalisé le film qui est projeté pendant le Carrefour, qui leur permet de montrer un peu à qui veut, leurs amis, etc., comment ils ont fait pour fabriquer ce film. Parce que ça, c'est toujours quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Hein. Et c'est le portable de Sylvie, ce qui va me permettre, pendant qu'elle va regarder, de me tourner vers Louise. Alors, justement. Je croyais qu'il n'y avait pas de réseau, en fait. T'as pas de gens. Si. On est normal. Pour gens qui ne savent pas, on est dans un quartier normal à Paris. J'ai l'impression d'être au forum des images, en fait. Il fait nuit, il n'y a pas de fenêtres. Louise, toi qui as eu, moi je le sais un petit peu évidemment, mais qui a eu un parcours au niveau de faire ton film qui était un peu particulier, tu n'étais pas dans des clous qui étaient voulus par l'école, notamment dans laquelle tu étais. Le making-of, ça fait quoi de présenter Jean Le Sault, ça t'amuse de présenter quelque chose qui n'a rien à voir avec Ben, je me demande comment je vais présenter mon manque de méthode particulier, mais... C'est important. Juste, je sais que c'est une question qui peut être un peu, mais c'est important de montrer son film. Je sais qu'il est sur Internet maintenant, etc. T'attends les retours ou ça t'angoisse particulièrement ou, Non, je suis contente quand on fait un film. Faut pas être hypocrite, c'est pour qu'il soit vu, parce qu'on a envie de partager quelque chose. Donc si on garde dans un coin de son ordinateur, c'est... C'est dommage. C'est dommage et c'est... C'est inintéressant. Enfin, moi, ça m'intéresse de savoir ce que pensent les gens de mon travail. Donc, si je peux en parler aussi maladroitement... On a fait les choses bien. On ne vous a pas mis dans la salle 500. On a été sympa. Qui est la plus grande salle. On vous est dans une petite salle très conviviale qui s'appelle la salle 30, qui est vraiment une petite salle de rencontre, proximité avec le public. Il y a quand même un écran cinéma. Très proche du public. je pense que ça te plaira, hein, tu verras. Ça a plu l'année dernière à Mademoiselle Florentine, tu l'avais fait l'année dernière. Tu peux en parler. Enfin, il y a un an et demi, oui, c'est ça. Bah, L'année dernière. Je l'ai fait, j'étais très très stressée. Bon, bah, normal, quoi. Tu vas pouvoir dire à Louise. Et j'avais préparé. Mais c'est pas évident de parler, même quand on connaît les gens, c'est pas évident de parler. Pour le DVD de l'Institut Saint-Genève, j'avais déjà fait un making-of sur lequel je parlais. Donc en plus. On a montré ce making of vidéo, alors s'entendre en plus c'est assez désagréable généralement, et donc après cette vidéo j'ai parlé avec le public, enfin c'était bien, heureusement il y avait donc monsieur Navroki, mon ancien directeur, qui me posait des questions et qui était là pour un peu c'est bien d'avoir quelqu'un ou des gens qu'on connaît dans le public pour un peu se focaliser ou pour mais bon, c'est toujours un peu angoissant, c'est normal. Non mais c'est dur en plus parce que ça veut dire que ça nécessite du recul sur son propre travail. Donc, je vais peut-être devoir réfléchir un peu aussi à ce que je vais dire ce samedi-là. Est-ce que donc tu es rentrée à l'ENSAD? Oui. Depuis cette année, est-ce que justement le recul par rapport aux deux ans de l'ESAT et du film, est-ce que tu commences à l'avoir un peu ou non, c'est encore trop tôt dans... Ah si, je l'ai, ouais. Oui. Parce que tu fais des choses forcément complètement différentes au niveau de l'anime, au niveau des gens avec qui tu es, non? Ou pas? Au contraire, non, ça continue? Non, pas tout. Je crois que je ne peux pas parler des deux écoles sur le même point parce que c'est totalement différent. Mais pour l'instant, en parlant d'anime proprement, c'est un peu la même chose. D'accord. On part sur des bases d'anime traditionnelles tout en laissant une grande part de créativité dans nos recherches. Ouais, t'es en deuxième année, on te laisse faire ce que... vous regarderez Indiane, il y a un univers en fait, pour l'instant, on travaille sur un projet de... un projet de bande-annonce, donc c'est un film de commande. Donc on est libre, mais il y a quand même des contraintes. Donc on est toujours sur quelque chose d'assez... C'est un peu comme la bande-annonce qu'on confie chaque année à une école différente. Oui, c'est ça. Une ouais. liberté, mais en même temps une contrainte de temps. Enfin voilà. Donc, c'est des écoles totalement différentes, donc je ne peux pas faire de comparaison comme ça. Oui, non, c'était pas pour comparer évidemment les deux écoles qui n'ont rien à voir, mais c'était par rapport à toi, ton expérience, et dire en effet, est-ce que tu continues finalement justement, le fait d'être dans deux choses complètement différentes, toi tu continues toujours à ton bonhomme de chemin finalement, et tu t'es pas changé parce que d'un seul coup tu vas dans une autre école, ou non, t'es juste... Je sais pas. On verra ça, est-ce que tu continues à faire des petits exercices à droite à gauche pour toi quand même que... Tu mets sur ton blog ou non, moins qu'avant? Ben, j'essaye de travailler pour moi et pour l'école aussi. Mais, ouais. Mais c'est une école outil. Donc, c'est pour soi-même avant tout. Oui, c'est ça, c'est comme je disais un petit peu, c'est-à-dire que l'ENSAT, ça fait pas. C'est justement un peu la différence. Superinfocom, on est entre guillemets assez cadré, on essaye d'aller d'un point où les gobelins, bien sûr, hein, qu'on avait ici. L'ENSAT a un côté plus. Ben, je veux pas dire, on sert en fait un peu de. Intéressant qu'elle ait dit l'école outil avec oui, c'est ça, ouais. Quand on a pour exprimer donc ses intentions, ses projets artistiques, donc elle avait des aides, des outils, c'est bien. Mais ça vient juste de commencer. Je suis avec des gens qui commencent juste dans l'animation et qui, j'en parlais encore avec eux hier, ils ignorent totalement qu'une animation ça prend du temps, que oui, faut faire un cadre quand on fait de l'animation traditionnelle. Enfin, c'est plein de petits détails qui fait que pour l'instant j'attends encore. Bon, de toute façon tu reviendras à nous en parler. Décidément, c'est Sylvie, c'est vraiment c'est. Non, mais Sylvie, c'est pas grave. T'as une minute parce qu'elle m'a demandé 10 minutes. Ah oui. Et tant pis, on mettra pas de générique. Hein. C'était B comme Burnside. On devait avoir du blues après, mais voilà, tant pis, on n'aura pas de blues. On finira, on verra bien. Je sais pas qui est après nous. On écoutera. On se débrouillera, voilà, okay. Tout à fait. On a vraiment 2 minutes parce qu'elle m'a demandé 10 minutes et si bah, elle a moins. Il y a pas mal de choses à dire. Voilà. Et puis comme je parle tout le temps dans son agenda, il y a plein de choses de toute façon. Soyons clairs, Forum des Images, c'est toutattaché.fr, www.forumdesimages.fr, voilà, tout le programme est en ligne. On va quand même finir parce que c'est quelque chose qui a été important pour moi. Comme je disais, j'ai commencé tous mes cours en parlant de lui parce que on a eu la perte ici aussi d'un grand créateur cet été, malheureusement, d'un grand réalisateur japonais. Donc le Forum des Images présente, il y a le best-of des Imagiciens le dernier jour à 19h30. Mm-hmm. Et une heure après, il y a un hommage à Kon Satoshi. Tout à fait. Avec Mina Maitresse, tu nous en parles rapidement, quoi, juste nous dire. Très rapidement, bah oui, mais ça nous paraissait. On voulait même faire un hommage aussi à M. Kawamoto, mais le problème, c'est que c'est beaucoup plus compliqué pour retrouver les films. Voilà. Il se trouve qu'il a une Guyenne avec lequel on travaille beaucoup pour tout ce qui est animation japonaise. Et on ne l'a pas sous la main tous les jours, donc c'est très difficile. Donc on fera peut-être quelque chose plus tard dans un rendez-vous d'animation, etc. En tout cas, là, c'était... Mais c'était évident qu'il fallait qu'on fasse quelque chose au moment du carrefour, parce qu'il n'y avait pas d'autre... Et en 2010, ça, c'était... Donc on a bousculé un peu la grille, on vous le dit, hein, carrément, on a bousculé un peu la grille programme. Pour faire cet hommage, donc qui sera qui va clore en fait la 8e édition. Donc il y aura, on va reprojeter Millennium Actress. On avait déjà diffusé quand on organisait Nouvelles Images du Japon. Il se trouve que Satoshi Kon était déjà venu à 2 reprises en fait, en 2001 et en 2003. On avait eu le bonheur de le revoir quand nous étions hors les murs à l'UGC Ciné-Cité pour l'avant-première de Paprika. Il avait eu ces mots très très gentils sur scène pour le Forum des Images, disant qu'il se souvenait être venu non loin dans cette galerie un peu sombre, pas très loin de l'UGC. Voilà, c'était super, super chouette. Donc voilà, on va projeter Millennium Actress et puis et on faut va... Dire, en première partie, il y a juste un truc exceptionnel. Oui, et puis il y aura une autre petite surprise, mais vraiment une très... On va finir par une très jolie surprise pour le public. Vraiment, moi, j'espère qu'il y aura une salle pleine, parce que c'est... parce que vraiment, il aimait beaucoup la France, quoi. Mais justement, dire, parce que Mina Maitresse, c'est une chose, la surprise à la fin, c'est une surprise, on la découvrira, mais au début... Mais le début est aussi une surprise, on peut en parler, parce que... C'est une surprise, mais on peut en parler quand même, parce que c'est étonnant. Oui, parce que c'est quelque chose que... En fait, c'est en discutant avec le directeur de l'Étrange Festival, donc Frédéric Tang, que j'aime beaucoup par ailleurs, qui était au Forum des Images, et on parle de ça, etc. Moi, j'ai des très bonnes relations avec quelqu'un qui travaille pour le studio Madhouse, qui est Shoko Takahashi, avec laquelle on collabore depuis 1999, donc qui correspondait à la première édition de Nouvelles Images du Japon. Donc c'est un espèce de regroupement de plein de choses, de discussions entre plein de gens, etc. Et jusqu'à la découverte de l'émission qu'a tournée à l'époque Frédéric Tang, qui était réalisateur d'Animag, une émission qui n'existe plus, où en fait il avait filmé nos invités japonais, parce que c'était l'invité du festival de 2001, au pied de cochon, donc juste au-dessus du Forum des Halles. Où on voit, c'est juste du bonheur, quoi. Enfin, pour donc oui, aiment, juste, excuse-moi, je te pousse rapide. Un peu, mais on voit Kenji Kawai, donc Kenji le compositeur Kawai. De, notamment Ghost in the Shell, ouais. Monsieur Otsuka, grand animateur, Kadabuchi, réalisateur de My My Miracle, ouais. Notamment, et de Sublime Princesse Arrêtée, ouais. Et Kon Satoshi, donc ça va être un montage, malheureusement, mais à la fois donc exceptionnel. Mais on a fait un joli montage, franchement, hein, c'est 13 minutes, ouais. Non, je pense que... 13 minutes et vous allez voir, c'est un mélange entre des choses drôles et ils rigolent beaucoup, ouais. Etc. Et donc, c'est absolument incroyable. Donc, vraiment un bel hommage. Maintenant, on se tait, je me tais et on laisse Florentine... Non, mais tu peux rebondir. Hein, mais... Je vais rebondir. Voilà, mais pas trop. Tu vas rebondir. Pas trop. Je te laisse quand même parler. L'agenda de Florentine Grelier. L'agenda est chargé parce que le mois de décembre est très chargé. Surtout parce qu'on n'aura pas d'émission en décembre et que notre prochaine émission est le 22 janvier. Sauf si notre collègue de... on peut lui laisser un samedi. Hein. On verra, mais effectivement, c'est lancé. A priori, notre prochaine date, c'est le 22 janvier. Donc, on a 2 mois sans bulle de rêve. Désespoir. Donc ouais, on aurait pu penser que le mois d'octobre était le mois le plus chargé finalement avec la fête de l'animation, mais le mois de décembre regorge d'événements en tout genre. Donc on va commencer par les festivals, avec ou sans palmarès. Donc outre les Imagiciens du 1er au 3 décembre, le Carrefour de l'animation du 8 au 12 décembre et le Festival national du cinéma d'animation à Bru, dont on a déjà parlé du 14 au 19, nous avons... Alors, on a Animix pour commencer, du 1er au 6 décembre à Espace Paris-Est Montreuil. Donc en fait, c'est le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Seine-Saint-Denis qui a ouvert son festival dédié à l'animation, mais donc, on va dire, sur le lien qu'entretient le livre jeunesse avec l'écran. Donc c'est vraiment axé enfant, avant tout. Et donc ils sont partis de l'idée qu'il y ait beaucoup d'illustrateurs qui réalisent eux-mêmes des films d'animation ou des réalisateurs qui puisent dans la littérature jeunesse. Et ils ont concocté comme ça un programme de plus de 35 films, de séries, de longs métrages et de pas mal de choses, mais vraiment axé pour enfants, avec une journée là professionnelle qui pourrait peut-être plus intéressante avec des conférences, vraiment qui est autour justement de la passerelle entre l'édition et le cinéma d'animation et les adaptations littéraires. Sauf que attention, c'est pas sur inscription, c'est pas payant. Alors justement, c'est inscription avant le 3 décembre. Je pense que c'est payant finalement parce que c'est une journée professionnelle. Il faut s'inscrire avant le 3 décembre et donc là, c'est des conférences. Et tout le reste du programme, voilà, c'est des séries animées. Il y a des longs métrages parfois inédits. Mais bon, c'est des choses qui sont assez pour enfants. C'est vrai que. Mais il va y avoir le pilote d'Ernest et Célestine, des choses comme oui, ça. Oui, voilà, sur la série, il y a des accompagnements, il y a effectivement des réalisateurs qui vont être présents. C'est une première édition, donc il faut voir ce que ça donne. Comme quoi, tout le monde s'intéresse de plus en plus à l'animation. Même voilà, c'est ça, même le Salon du Livre, qui est très connu par ailleurs. Enfin, le Salon du Livre est très, très, très connu, donc. C'est une bonne chose. Ensuite, on continue avec les Nuits Magiques, du 3 au 12 décembre, qui se font en parallèle des Rencontres Internationales d'Henri Glangois. Elles ont exactement les mêmes dates, donc 3 au 12 décembre. Les Nuits Magiques, ça se passe à Bègles. Les Rencontres Internationales Henri Glangois se passent à Poitiers. Donc pour les Nuits Magiques, le festival fête ses 20 ans cette année, donc la manifestation a beaucoup évolué. Alors bon, j'ai relevé qu'ils ont noté qu'ils voulaient faire découvrir au public la richesse de ce genre cinématographique. Donc effectivement... On en parle, genre, technique, c'est toujours un peu... Donc bon, quoi qu'il arrive, dans leur texte, ils disent qu'effectivement, ce n'est pas fait que pour les enfants, qu'ils ont cette volonté justement d'aller plus vers les adultes. Et donc, il y a plusieurs programmes très intéressants. Une compétition de court-métrage qui est classée par thème, ce qui est assez amusant, enfin, il y a des choses pas mal. Et une carte blanche à Michel Oslo et des films de Serge Elissan. Voilà, donc il y a pas mal de choses pour ceux qui sont à côté de Bordeaux. Ils peuvent m'inviter quand ils veulent, parce que j'aimerais bien y aller. Donc s'ils veulent un jour m'inviter, c'est avec plaisir. Voilà. Mais compétition classée par thème, je trouve ça... Enfin, souvent, c'est pas... Enfin, classée par thème, c'est pas courant et je trouve ça intéressant. Ouais. Voilà, et pour les Rencontres Internationales Henri Langlois, donc là, c'est pas un festival spécialisé en animation, c'est un festival d'école de cinéma, qui font cette année, entre autres, un focus un peu sur l'animation, avec donc une leçon d'animation de Serge Elissade, une projection de films de l'MK et une table ronde avec un thème très intéressant, donc enseigner un art ou une technique donc dans les écoles de cinéma d'animation. Et il y aura ceux qui sont là, moi je sais que je serai là-bas aussi et qu'il y aura une table ronde. Enfin, on va autour de l'MK, non Oui, sur les non pour les enfants, pour les d'accord. étudiants, les écoles qui font déjà dans un bac audiovisuel et leur montrer ce qu'est l'animation et pas que la prise de vue réelle justement. Donc c'est très intéressant. Un pays invité parce que j'avais assisté à des rencontres intéressantes avec notamment des écoles africaines. J'ai pas tenu. Je sais qu'il y a énormément de pays différents qui envoient. C'est vraiment intéressant. Il faut voir. Qui s'ouvre aussi pas mal et donc c'est vraiment intéressant. Là, je mettrai de son les sites internet après en ligne. Là, je vous les redis pas. Ça va être trop long, mais il y a un programme très très vaste. Ils en sont à leur 33e édition, donc voilà, c'est assez. Et donc pour les festivals, enfin en tout cas pour les rencontres comme ça qui se passent, on passe à Paris FX du 15 au 16 décembre, espace Pierre Cardin. Donc là, qui a un gros salon qui en est à sa 4e édition, qui balaye tout ce qui est effets spéciaux, 2D, 3D, 3D relief, et c'est plutôt des journées professionnelles. Voilà, de création, de méthode de travail, avec des images inédites de films événements de l'année 2011. Enfin, voilà, je vais aller faire du Alex Simino, parce que je crois qu'il y a une mission après, donc tu vas aller voilà, voir donc, en deux minutes. On passe aux projections. Désolé. Donc pour les projections, nous commençons lundi avec la nouvelle séance d'Anima Lundis. Oui, j'aime bien le dire comme ça, moi. Anima Lundi, donc, séance qui est au studio des Ursulines à 20h30. Et donc là, c'est une soirée... Alors, Wu Yun Yong, je ne sais pas comment on le prononce, si tu pouvais m'aider. Wu Yun Yong. Wu Yun Yong. Je suis désolée pour écorcher les noms. Donc, il y a un artiste peintre, artiste vidéo et animateur flash qui présentera son travail, qui sera là. Son travail qui est plus proche des arts graphiques que des fictions narratives animées. Et c'est une soirée organisée dans le festival Shadows. Ouais, juste la première avec Émilie Mercier était absolument incroyable. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on sait d'autres festivals ou d'autres projections. C'est vraiment des projections making-of, donc on ne voit pas forcément des films. Ils nous montrent comment ils travaillent. Et la première était un bonheur absolu, mais vraiment. C'était... Enfin, voilà. Oui, c'était très bien. Donc, j'annonce également la séance qui aura lieu le 20 décembre, toujours au sud des Ursulines, toujours à 20h30, qui sera une séance spéciale Gobelins à l'école de l'image et qui justement prendra un peu un contre. Enfin, qui ne montrera pas ce qu'on a l'habitude de voir, puisque ce sera des travaux des élèves de première année autour du dessin de presse. Et qui c'était un atelier en fait en première année qui était alors encadré par Plantu. Et donc, là, la présence de Plantu n'est pas encore. Enfin, est sous réserve. Mais donc, elle est souhaitée. Mais peut-être que vous pourrez voir Clément de Ruyter, donc. Enfin. Et non, il ne sera même pas là, décidément. C'est donc la star fantomatique. Une soirée spéciale où on pourra voir des choses qui ne sortent pas. C'est des exercices, donc voilà, ce sera intéressant de découvrir des choses des gobelins qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ensuite, on a la soirée cinéma en cours, mardi 30 novembre à 20h au Forum des Images. Il faut toujours parler du Forum des Images. En fait, c'est une soirée organisée par l'Agence du court-métrage et par le Forum. Une soirée Crossing Borders, donc à la frontière, justement, sur les frontières, qui vont montrer des documentaires, des films d'animation et deux films d'animation et de l'expérimental. Et en fait, voilà, c'est une soirée qui est faite en volonté de justement voir tout ce qui était frontière et sur le cinéma, nouvelle forme cinématographique européenne. Et c'est quelque chose qu'ils veulent refaire tous les ans, apparemment. Et cette année, donc, il y a une dizaine de courts-métrages, donc deux films d'animation. Les murmures de la forêt de Jonathan Hodgson, qui date de 2006, et celle qui donne le rythme de Veljko Popovic, est-ce que j'arrive à bien le prononcer, c'est parfait. De 2008. De toute façon, comment c'est pas mieux prononcé, c'est à bon. Et deux films qui, enfin, moi, je ne pense pas les avoir, enfin, qui sont pas si montrés que ça. En salle, je pense que c'est très intéressant. Non, le Hodgson, j'avoue que celui-là, je le connaissais voilà, pas. Voilà, surtout qu'effectivement, c'est deux films qui vont être dans d'une séance multiple et avec plein de genres différents, donc tout très intéressant. Tout le cinéma en cours fait ça, c'est vrai que c'est bien de... Mardi 30 novembre. Donc, on enchaîne avec une nouvelle soirée Eddie Music Production, donc Eddie Brûle qui a organisé la soirée de Kangourou. Alors après Kangourou, qu'est-ce que c'est alors après Kangourou, c'est un événement consacré ce mois-ci au film sur l'espace et le futur. Et oui, la soirée donc, sera toujours au Café de Paris dans le 11e, donc le dimanche 12 décembre. Et il proposera là aussi un petit ciné-concert sur un court-métrage de Boobaloo's Place Cartoon Jazz, qui est le groupe donc, Dédé. Et l'organisateur est encore à la recherche de films et de réalisateurs qui souhaitent se présenter ou présenter leur film à cette occasion. Donc il ne faut vraiment pas hésiter. Donc c'est quoi le thème? C'est l'espace, donc, c'est-à-dire à envoyer vos films sur l'espace, le futur, voilà, un peu tout ce qui peut... la fantaisie, enfin tout ce qui tourne autour de ces thèmes, n'hésitez pas, envoyez vos films, étudiants, professionnels, enfin qu'importe. Et c'est très sympa, j'y suis allée la dernière fois, c'est vraiment sympa. Et donc on finit alors avec les après-midi des enfants, donc, dont j'ai déjà parlé la dernière fois, donc du 18 septembre au 29 décembre au Forum des Images. Les après-midi des enfants, donc c'est une formule, un film, un débat, un goûter, sur le thème chevalier et princesse. Donc il y a énormément de séances intéressantes. Là j'ai sélectionné pour vous trois séances qui sont... qui sont visibles nulle part, enfin, qui sont vraiment des inédits. Donc on a le 1er décembre à 15h une carte blanche en partenariat avec l'Institut polonais de Paris sur Chien et Chat. Donc sur le thème Chien et Chat, ce sera divers courts-métrages polonais de 1958 à 1971. Donc des choses qu'on peut sûrement pas voir souvent. Ensuite, on a La Princesse Grenouille de Mikhaïl Tsekhanovski, URSS, donc le 15 décembre à 15h. Voilà, Nikonon a un peu de temps. Ah, est-ce que j'ai encore 2 minutes? Est-ce qu'une émission après me prendre ou... Ah, le vrai direct. Bon, je continue. Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, je continue. C'est bon, c'est bon. Alors, temps, alors, donc, okay, merci. Alors, bah, vous nous dites je pars un peu plus... Là, ça ne dérange pas de rester 5 minutes de plus. Je pars un peu plus lentement. Donc, et Ruslan et Ludmila d'Alexandre Touchko. Touchko. Voilà, c'est bon, c'est dire ça. C'est super bien, Touchko, il faut connaître, c'est l'un des premiers, il a fait les voyages de Gulliver, les nouveaux voyages de Gulliver de Russie, en 30. Voilà. Il fait donc ce qu'on dit maintenant la stop motion, ce qui est en fait juste avec des marionnettes. Hein. Et c'est absolument passionnant, et donc voilà, il faut connaître, c'est un nom un peu méconnu malheureusement, mais qui est bon, un peu à la Starevitch, sauf qu'il faisait des longs métrages. Voilà, donc le 22 décembre à 15h, donc ça c'est des séances, vous pouvez regarder sur le forum des images, il y a bien sûr... Les aventures du prince Ahmed, enfin il y a des choses qui sont plus connues. Là j'ai sélectionné un peu ce que moi-même je connaissais pas. Mais t'as voilà. T'as dit quoi alors parce que les autres. Donc comme je regardais par rapport à l'heure. Donc La Princesse Grenouille de Mikhaïl Tsekhanovski, Ruslan et Ludmila d'Aix-en-Touchco et les courts-métrages polonais. Voilà. Ensuite, nous passons au rendez-vous mensuel. Donc, vous êtes habitués. On a les apéros animés qui seront le mardi 7 décembre et le mardi 4 janvier. Donc, comme d'habitude, à partir de 19h30 au bar La Mer à Boire. Ensuite, on a Bayoa, dont en fait, une des séances se passera pendant le carrefour de l'animation. Le jeudi 9 décembre de 18h à 20h au 7e bar, au Forum des Images. Et ensuite, ce sera le jeudi 13 janvier à partir de 19h au bar Le Plastique, comme d'habitude. Voilà, ça c'est les apéros animés et Bayoa. Et par contre, je voulais vous parler d'un nouveau rendez-vous, alors là, qui est beaucoup plus professionnel et cadré que peut l'être Bayoa ou les apéros animés. Un rendez-vous qui s'appelle Thought and Facts, alors TAF, TAF en fait. C'est une initiative qui a été mise en place par Flavio Pérez, qui est un ancien du DMA d'Estienne et qui a fait Animation sans frontières au Gobelin. Et en fait, qui s'est aperçu que finalement, souvent les porteurs de projets se retrouvaient seuls, n'avaient pas de cadre quand on était jeune pour monter un projet et après le présenter à des producteurs, etc. Et qui a commencé à faire des réunions. D'ailleurs, c'est des réunions qui sont chez lui maintenant, si j'ai bien compris, et où on montre des bandes démos, on montre un avancée de projet, où c'est vraiment des réunions studieuses de travail, et où il faut s'inscrire en fait sur un site internet, puisque c'est des projets en cours, donc pour pas divulguer. Donc c'est vraiment intéressant pour tout ce qui est jeunes porteurs de projets, pour avoir un cadre et vraiment avancer sur des projets. Et la prochaine rencontre en fait est demain, mais il y en a très très régulièrement, c'est au moins tous les 15 jours, donc il faut pas hésiter à aller voir leur site que je mettrai en ligne. Voilà. On dit juste merci beaucoup à Marianne, voilà, parce qu'elle doit prendre son train. Elle reprend le train pour remonter dans le nord. Donc merci beaucoup d'être venue et à très bientôt. Merci. Bon voyage. Voilà, et de toute façon, je vais finir avec les sorties cinéma, qui sont nombreuses, puisque voilà, on a 2 mois. Donc on commence. Pourquoi tu fais ? On commence avec L'apprenti Père Noël de Luc Vinciguerra, le 24 novembre. Je viens de découvrir l'affiche là, en venant à la radio, je ne sais même pas que ce film... C'est un dessin animé de Noël. Ouais, déjà, Noël, déjà si j'ai du mal, dessin animé de Noël, ça fait vraiment, on a l'impression. Donc voilà, en fait, pour les enfants. Ceux qui connaissent L'apprenti Père Noël... c'est pour punir les gens qui ont des enfants, comme ça ils sont obligés d'aller le voir en salle avec leurs enfants. En fait, c'est d'après, si j'ai bien compris, c'est après la série L'apprenti Père Noël qui est déjà passée à la télé, et donc là c'est le long, si j'ai bien tout suivi. C'est ça, je crois. Voilà. Donc ensuite, le 1er décembre, on a le Réponse, le dernier Disney qui sort, Réponse. Ah oui, mais bon, c'est Réponse. C'est l'autre punition réponse, pour les deux parents. Ils ont une punition française et une punition américaine. Bien fait. Donc Réponse, le dernier Disney qui sort en même temps que Perdu retrouvé de Philip Hunt, qui est en fait un court-métrage accompagné de deux courts-métrages. Dont Le silence sous l'écorce de Johanna Lurie, que nous avons reçu en janvier ou février. Voilà, qui est dans la grande liste. Du studio Aka, tout à fait. Qui avait fait un petit film pour les enfants, tout mignon celui-là. Ouais, c'est Jojo in the Stars. Ouais. On est dans un truc très mignon. C'était Mark Crast. Ah, t'as raison. Ouais. Ah, mais moi j'adore ce que fait Aka. Énorme, en pleine émission. Un peu fan. Alex, abattu en l'air, c'est une porte. Donc voilà, ça sort le 1er décembre. Ensuite, le 15 décembre, pareil, nous avons un nouveau match entre Megamind, le dernier DreamWorks, et Une vie de chat d'Alain Gagnol et Jean-Luc Felicioli. Voilà, enfin un bon film. Il y en a quand même de temps en temps des longs métrages. Allez voir Une vie de chat, ça c'est Megamind, enfin la non-punition pour soi qui ont des enfants. Voilà. Ensuite, voilà. Alors là, je ne sais pas ce qu'Alexis va nous faire comme. On a les chimpanzés de l'espace 2, ouais, le 22 décembre. Énorme. L'animation, ça, et ben voilà, pour aider, il peut avoir ça, science-fiction et dans l'espace, là, les chimpanzés de l'espace, ouais, n'importe quoi. Là, je vous annonce les longs, tout à fait. Ah oui, t'as raison d'annoncer les longs. Et donc, le 12 janvier, c'est la sortie du dernier Ghibli, Arrietty, Le Petit Monde des Chapardeurs. Ah, c'est sûr, ça sort le. Bon. Le 12 janvier. En tout cas, c'est la date. Et le 15 décembre, la conférence de presse de Ghibli va nous annoncer le prochain film produit par Ghibli. Tout le monde pense que ça va être Porco Rosso 2, donc, puisque Miyazaki veut faire la suite de Porco Rosso. Et on est quelques-uns juste à espérer. C'est pas Takahata. Voilà, juste, on a un, juste à espérer l'impensable. Pourvu qu'il nous annonce enfin que Takahata refasse un film. Merci à Ghibli de nous dire ça. Il travaillait sur un film, sur une légende japonaise. Voilà, il travaille depuis 10 ans, mais des bisbilles entre Miyazaki et Takahata, etc. Mais on aime, ça serait un grand bonheur, en effet, que Takahata revienne Alors, je finis pour dire que, bien sûr, comme nous sommes pendant les fêtes à la télé, et vous aurez, comme d'habitude, de multiples diffusions de longs-métrages, Shrek 3, Cars, Voilà, c'est gros mythes, Simpsons, Azur et Asmar, les Astérix qui nous passent tout le temps. Enfin bon, ça, après, vous voyez votre programme, mais il y aura de quoi faire au niveau de l'animation. C'est marrant, notamment sur les Astérix, ça passe qu'à Noël. Il nous passe les astérix. Non, mais... Donc Rémi qui nous le passe aussi. On a droit aux gendarmes et gendarmettes pendant l'été et les astérix pendant Noël. Donc voilà. On a beaucoup dépassé. Merci beaucoup à Sylvie. Et il faut répéter. Dis ces infos-là. Il faut que je dise que si vous voulez envoyer des mots super gentils à Florentine, c'est émissionbdr@gmail.com. Émissionbdr@gmail.com. Et vous pouvez retrouver l'émission en ligne sur. Aussi bien sûr, il y a un podcast sur Radio Liberté que vous pouvez retrouver sans aucun problème. Vous pouvez le retrouver évidemment sur thewebending.com et vous retrouvez l'agenda que vient vous faire Florentine avec plein de petites photos, plus des photos de l'émission sur thewebending.com. Voilà. Merci beaucoup à Louise. La prochaine fois qu'elle vient, je vous promets, elle nous parlera encore plus que ça. Là, c'était sa première, donc je n'ai pas voulu l'embêter trop. J'avais plein d'autres questions pour elle, mais je n'ai pas trop voulu l'embêter. Donc merci beaucoup à Louise d'être venue. Et vraiment, si vous avez l'occasion de venir évidemment au Carrefour, vous la retrouvez. Le samedi 11, tout à fait, pour une séance making-off. Et vraiment, n'hésitez pas à caler C-A-I-2-L-I-E-Z. Louise, vous pouvez regarder Indians est en ligne aussi pour ceux qui, malheureusement, ne pourraient pas être à Paris à ce moment-là. Voilà, vous savez, j'invite que des gens que je trouve talentueux et Louise a beaucoup de talent. Donc, regardez ça. Et Florentine, vous le savez, ça, j'ai pas besoin de le dire. Donc, voilà, merci beaucoup. Merci à Nicolas d'être resté. 10 minutes de plus. Merci de nous avoir donné ces 10 minutes de plus. Et puis bonne fête à tout le monde. Je sais pas, est-ce que tu voulais une. Non ? Il n'y a pas besoin de générique de fin, je pense, non ? On passe directement. Si tu veux un générique de fin ? Et la musique alors ? Parce que générique de fin, sinon tu peux mettre Burnside, la première. Si jamais tu l'as, sinon tu vois. Et donc au 22 janvier. Merci. Et elle est en salle.